Leçon 5, page 122, activité 2 et 3, piste 111. Regarde un bateau. C'est beau. Moi, j'aime bien voyager en bateau. Et toi, comment est-ce que tu voyages? Je préfère voyager en avion, c'est plus rapide. Mais quand on prend le bateau, on voit la mer. C'est génial, non? Peut-être.